Léo Taxil, l'album anticlérical. Le curé femme à barbe. Trop ardent, le curé Boulard. Il avait une façon si persuasive, si pressante, de préparer les jeunes garçons à la première communion, qu'un beau jour, Dame Justice voulut, la curieuse, connaître à fond la méthode employée par le saint homme. Un prêtre ne relève que de sa conscience, et l'abbé Boulard, qui ne veut pas que la gendarmerie mette le nez dans ses petites affaires, s'enfuit à travers champs en se déguisant au moyen d'une robe empruntée à sa vieille gouvernante. Le voilà au fond d'un bois, le pauvre martyr. Il est habillé en femme, sale et non rasé. Il vit misérablement de racines et de fruits sauvages. Mais il ne regrette point son ancien confortable, trop heureux d'avoir échappé aux griffes de Dame Justice. Un soir, au coin d'un bois, il tombe au milieu d'une troupe de saltimbanques. Le chef, étonné, le prend pour une femme à barbe et propose un engagement au curé, qui accepte tout joyeux de quitter sa vie de sauvage. La femme à barbe fait fureur, mais la vie d'artiste n'est pas sans quelques désagréments. Ainsi, notre infortuné calotin souffrait beaucoup d'être obligé d'exhiber ses charmes et de se laisser tatouiller les mollets par messieurs les militaires. Ce qui fait que, profitant d'une occasion propice, notre curé phénomène prend la poudre d'escampette, enlevant à son cornac un superbe rasoir qui devait, quelques instants plus tard, faire tomber les poils et le rendre méconnaissable. La barbe est disparue, mais, hélas, reste le costume. Le curé Boulard en est réduit à entrer comme du hêne à un théâtre de cabotin, où il a, cette fois, à subir les déclarations trop vives du père noble, qui prend son rôle trop au sérieux. Crac ! Le père noble devient jaloux. Furieux de voir les attentions peu maternelles que la duègne prodigue au petit figurant, que voulez-vous, un vieux restant d'habitude, il espionne la rebelle chérie et découvre le scandaleux mystère. La gendarmerie prévenue arrête sans pitié l'homme-femme, et à l'heure qu'il est, le curé Boulard attend sur la paille humide des cachots le moment où la justice lui demandera des comptes sévères sur ses intéressantes leçons de catéchisme.